On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos mères? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Tout à fond, n'exagérons rien. Parce que ce soir dans The Rocks, on va plutôt commencer un petit peu tranquillou. Bonsoir, c'est Manu, comme tous les lundis soirs, 19h, 20h30. Les gars, wouh! Vous êtes bien dans The Rocks et ça, c'est franchement la bonne nouvelle du soir. C'est l'émission qu'il vous fallait en ce début de soirée un peu frisquette. Il n'y aura pas d'émission pour les 15 jours à venir. Donc je vais essayer de vous emmagasiner de la bonne musique dans les oreilles. On va commencer avec un coup de cœur qui nous prouve que nos régions ont du talent. Ce coup de cœur réunit les villes d'Orléans et de Tours, voisines et pourtant parfois un peu lointaines l'une de l'autre. Eh bien voici deux groupes qui ont réussi à faire un pont entre ces deux villes pour un morceau. Et quel morceau? Ça s'appelle Cold Spear. C'est un groupe d'abord qui nous vient d'Orléans, Roraima, groupe voilà plutôt musical, électro, trip-hop. Instrumental qui a décidé de s'acoquiner à la composition et à l'interprétation sur ce morceau avec un des duos les plus intéressants pour moi de ce côté-ci de l'univers. Il s'appelle Grand, ils viennent de Tours et vraiment c'est un duo fantastique avec une voix enchanteresse, un violon qui va bien, et donc cette petite combinaison entre Roraima et Grande donne ce morceau Cold Spear qui, moi, m'a vraiment ému. Alors, ça va être un peu le leitmotiv de ce début d'émission ce soir dans The Rock. Ça va être des morceaux plutôt tranquilles. Et puis après, ça va s'accélérer un petit peu. Je suis ravi de vous retrouver. Voici Roraima, donc, avec Grande. Il était question à une époque que Grande vienne faire un petit peu une émission spéciale ici dans les studios. Pas de nouvelles depuis. J'espère que ça se fera un jour. Voici donc leur dernière livraison. Ça s'appelle, donc, Cold Spear. lovers and breathing, the thinkers and dancers of all side. Love is all we got, our bodies and the sound. Yeah. exercice dont elle est coutumière. Elle aime à y revenir après avoir livré des morceaux originaux sur la bande originale du dernier Sean Penn en compagnie de Glenn Hansard et d'Eddie Vedder. C'était Cat Power alias Sean Marshall à l'instant dans son nouveau morceau. Ça s'appelle Bad Religion. C'est une reprise, et oui, elle est coutumière du fait puisque ce sera son troisième album de reprise qui sortira en 2022 de Cat Power. Bad Religion, donc, c'est une reprise de Frank Ocean. Il y aura également des reprises de Bob Seger, des Pogues, enfin, tout cela va être bien réjouissant. Et puis juste avant, c'était Roraima avec Grande et le morceau Cold Spear. Allez, on va encore ralentir encore un peu le tempo avec un pianiste virtuose qui gravite dans le milieu du rap. Voilà, je trouve qu'il y a un certain contraste entre son apparence vraiment très venue du rap, un petit peu arrogant comme ça, tout en bling bling, et sa musique qui est tout à fait merveilleuse, feutrée, ouatée. Et là, il nous emmène en Norvège pour les aurores boréales. C'est Sofiane Pamart qui donc nous livre ce nouveau morceau, Borealis. Et voilà, il a été sur scène il y a quelques jours, je crois, avec Joey Starr pour nous lire des poèmes. Enfin, voilà, un artiste assez complet, assez étonnant. C'est lui également qui tenait le piano sur le dernier album d'Arnaud. Voici donc Sofiane Pamart avec son dernier morceau, Borealis. Whispering the wind sent me home. I'd believe there was something more. Learned so much, fell in love with you. Took my chances with what I knew. With the places that had stained my hands and the files that I'd stored on my shelf. Spent so long in the world giving chase. Thought my place was some other place. But I belong here, I belong with you. And all of our questions belong here too. As we've been high, darling, we've been low. And all of it's helped us grow. We belong here and we deserve to dream. Every waking hour of every waking day, I wake up to the sound of discussions in my brain. I don't know the answer and I don't know the truth, and I don't really know what I've been dragging since my youth. But I push on, I philosophize, and keep my prophecies by my side. And I hope to meet you at the gates, see that light shining on your face. 'Cause I belong here, I belong with you, and all of our answers reside here too. 'Cause we've been high, darling, we've been low, and all of it's helped us grow. We belong here and we deserve to dream. Every breaking hour, though a little more would break, the courage could be summoned to bring about some change. And plans would form to build a brand new castle to the sky we'd soar. With the wings of an eagle, stone cold sober, with whiskey on my breath, South America running through my head. With you I was taken, it was you I was not mistaken. You belong here, you belong with me, and all your secrets are safe with me. 'Cause we've been high, darling, we've been low, and all of it's helped us grow. We belong here and we deserve to dream. Running down the mountain, and all we need is flowing through the trees, and all we have is swimming in the ocean, and all we can do is be the best that we can. All we want is running down the mountains, and all we need is flowing through the trees, and all we have is swimming in the ocean, and all we can do is be the best that we can. All we want is running down the mountains, and all we need is flowing through the trees, and all we have is swimming in the ocean, and all we can is be the best that we can be. And I hope to meet you at the gates, see that light shining on your face. Ce qui est bien avec On The Rocks, c'est qu'on peut voyager tranquillement dans son canapé ou dans sa voiture. À l'instant, c'était Xavier Rudd, tiré de son dernier album. Xavier Rudd, c'est un artiste australien de 43 ans. Voilà, tout pour plaire, beau gosse, tout ça, qui joue bien de la guitare, un peu à la Ben Harper, à plat sur les genoux. Eh bien, ce dernier morceau rend justice à tout ce qu'il fait depuis des années, c'est-à-dire que tout est toujours aussi bien. Ça s'appelle We Deserve to Dream, et juste avant, c'était Sofiane Pamar avec Borealis, content de retrouver Xavier Rudd et content de retrouver Colin Blunstone. Alors, pas vraiment, vraiment, puisque ce nouveau morceau de Colin Blunstone qu'on va se passer maintenant dans The Rocks date d'il y a 50 ans. Mais il y a 50 ans sortait le premier album solo du chanteur des Zombies, puisque c'est de lui dont il s'agit. Cet album s'appelait One Year, c'est un chef-d'œuvre absolu qui n'aura eu aucun succès quasiment à sa sortie. Suivra un album qui s'appellera Ennismore, pratiquement aussi beau, pas tellement plus de succès. Eh bien, Colin Blunstone, donc, est devenu un peu une légende au fil des années. D'abord, les Zombies sont, avec leur album Odysseys and Oracles, est devenu une sorte de monument du rock 60s. Et puis, ces deux albums solo, en particulier ce One Year, dont on fête donc le 50e anniversaire en ce moment, ressort, et il y a donc des morceaux qui n'étaient jamais parus, des morceaux inédits. C'est le cas de ce morceau très court qui s'appelle I Won't Let You Down. On retrouve cette espèce de grâce funambulaire de Colin Blunstone avec son vieux complice Rod Argent au clavier. Voici donc ce morceau qu'on ne connaissait pas et qui est une nouveauté mais de 50 ans. J'espère que vous avez bien compris. I tried to explain, but you just don't seem to understand, and I can't believe you ever will. I tried just the same, but baby, in a slightly different way, and I hope you'll see I mean you well. Try just the same, but maybe in a slightly different way. And I hope you'll see I mean you well. Mean you well. Believe me. I won't let you down. No one else. années 60 qui s'invite dans The Rock ce soir. D'abord avec le morceau de Colin Blunstone, I Won't Let You Down, même si c'était 1971. Allez. Et puis ensuite, c'était un morceau de George Harrison, période Beatles, qui s'appelle Within You, Without You. C'est pas le morceau le plus connu de George Harrison. C'est peut-être parce que c'est pas forcément son meilleur de façon originelle. C'était un morceau très indien, comme ça, avec des instruments traditionnels indiens. Il en a fait des mieux, George Harrison. Mais pourtant, ce morceau est magnifique et la version que vous venez d'entendre est, à mon avis, supérieure à l'original. C'est celle de Birds on a Wire, alias Rosemary Stanley des Moriarty, associé à Dom Lanena, qui reviendront pour un album et qui reviendront en concert par chez nous. Ce sera le 4 janvier à la salle L'Alliage à Olivet. Voici cette donc magnifique version de Within You, Without You. C'est rare que je dise qu'une reprise des Beatles est supérieure à celle des Beatles, mais celle-là, c'est le cas. Et puisqu'on parlait de George Harrison, des Beatles, et qu'on a eu pas mal de cordes dans The Rocks, eh bien à l'instant, c'était l'enregistrement d'un orchestre à cordes pour le morceau de George Harrison, Something, dans les studios d'Abbey Road. C'était en 1970, évidemment dirigé par George Martin. On peut retrouver cette version de Something, où il n'y a aucun Beatles dessus, puisque ce sont juste les cordes, sur la version augmentée et collector de Abbey Road, qui était sorti il y a quelques années de cela maintenant. Allez, puisqu'on parle des Beatles, on va revenir en 2021, c'est-à-dire par chez nous, avec un des derniers Beatles survivants, il en reste deux, hein, c'est Paul McCartney, qui a sorti un album superbe qui s'appelle McCartney 3 pendant le confinement. Eh bien, à peine l'album sorti, hop, il y a encore eu de la nouveauté, puisque tous les morceaux de l'album ont été revisités avec la complicité de Paul McCartney sur un autre album qui a fait suite à cet album McCartney 3. C'est un album où donc pas mal d'artistes reprennent, remodèlent les morceaux de l'album qui venait juste de sortir quelques semaines auparavant. Alors on trouve Beck, on trouve plein d'autres gens, il y a des versions plus ou moins heureuses. En tout cas, la version qu'on va se passer maintenant est bien sympathique. C'est la version de Lavatory Lil, morceau peut-être le plus rock, on va dire, du dernier album de Paul McCartney, qui est repris ici. Avec la complicité de McCartney, donc, par Josh Homme, qui n'est autre que le leader de Queen of the Stone Age. Voici donc un morceau de Paul McCartney, déjà repris, à peine sorti, et hop, c'est repris, c'est quand même assez formidable. Look up for Lavatory Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she's really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky-dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. Yeah. If you saw it coming, you could look the other way. Oh, it isn't easy when she's rolling in the hay. You in the back. Thank you. réalité, la guitare électrique ne se fait jamais attendre très longtemps dans On The Rocks. Il y a eu d'abord, évidemment, Josh Homme et Paul McCartney avec Lavatory Lil, morceau de Paul McCartney à l'instant. C'était un morceau qui datait, on pense, du début des années 20, en tout cas aux États-Unis. Ce genre de morceau de blues qui est repris, puis repris, puis repris, puis repris et donné de guitare en guitare. Eh bien, la version définitive est peut-être arrivée il y a quelques mois. C'est celle des Black Keys avec Crawling King Snake, tiré de leur dernier album, fantastique album de reprise de blues que je vous conseille, qui est peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur album des Black Keys. Allez, on continue avec un guitariste. C'est une nouveauté cette fois. Il s'appelle Harrison Whitford. Il vient de livrer un morceau qui s'appelle Linoleum, où il s'interroge un peu sur sa vie, sur ses pratiques un peu douteuses dans la relation amoureuse. Ça donne un morceau atmosphérique et absolument envoûtant. C'est une nouveauté d'il y a quelques jours à peine. Eh bien, je vous conseille de poser les deux oreilles dessus. Harrison Whitford, donc, c'est dans The Rocks. Et c'est maintenant. This line of work teaches you so many things, but it won't teach you to be a man. All my life I've been looking for someone to look after me. All my life I've been looking for me. I met you in the garden, smelling flowers in the shade. I said hello, you said what? It's like daylight and it faded. Ourselves in the harsh sunlight. I wore your dress and tights. You wore my shirt and jeans. We felt like ladybugs on a leaf of evergreen. I did not know a storm would ravage this place. I did not know you held so many tears in your face. Did not know I was imperfect. Didn't know I was no saint. Didn't know my hands could destroy as much as they create. I helped him up from the ground where he fell. I said you took quite the spill. He said I'm fine. Oh, the wind just knocked me down. That the weather here is the same all year round. I did not mean to lie. Give myself to you. down to the river. Lift me high upon the flood, and there will be no turning back. And I must find my love. I must find my love. I must find my love. Well, now meet me in the bottom with the serpents and the vine, and I must shout out loud. Will she still be mine? Will she still be mine? Will she still be mine? I shall not rest upon the highway. I will not try and no despair. D'un tour dans son sac, s'est tiré du dernier album, le deuxième album du duo fameux d'Alison Krauss et de Robert Plant. Vous l'avez reconnu peut-être, l'ex-chanteur de Led Zeppelin, qui magnifie vraiment ce morceau. Il est assez exceptionnel. Alors Alison Krauss, pour le coup, est assez discrète. C'est lui qui prend toute la lumière. Et c'est un morceau assez fabuleux, je trouve. C'était Height and Lonesome, tiré de leur prochain album. Je crois qu'il n'est pas sorti encore. Et juste avant, c'était Harrison Whitford avec Linoleum. Alors pour l'instant, dans The Rock, c'était quand même assez sombre et assez mid-tempo, on va dire. Vous voulez un morceau vraiment qui vous donne la patate, qui vous fait rugir et qui vous fait avoir envie de courir partout au soleil? Eh ben, c'est maintenant. C'est un morceau qui va vous faire rentrer dans le cœur de l'automne avec une joie de vivre incroyable. On retrouve cette énergie qu'ils avaient produite sur le S.O.B. Son of a Beach. C'est Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweets avec leur dernier morceau. Ça s'appelle Love Don't. Christophe Arondo et vous, j'espère, vous allez apprécier. Et moi, c'est le morceau qui me donne le plus la frite en ce moment. Quelqu'un que l'on suit dans The Rocks depuis quelques temps maintenant, c'est Doug Tuttle à l'instant avec son dernier morceau qui s'appelle For Tomorrow. Et juste avant, c'était le petit brûlot de Nathaniel Ratliff and the Night Sweets, Love Don't. Allez, puisqu'on parle de choses qui brûlent, allons vers cette chanteuse et son groupe assez formidable. Elle s'appelle Shannon and the Clams, c'est le nom de son groupe. Shannon et les coquillages, hein, si on peut dire. Avec ce morceau qui est assez à la fois réjouissant et à la fois poignant. Tiré de leur dernier album, ça s'appelle Mary Don't Go. Vous êtes dans The Rocks, et dans The Rocks, la musique, ça fait à peu près ça. love no more. Since I've lost everything I had, my heart is broken and I'm feeling so sad. Now misery, oh misery, is killing me. Enfin, une nouveauté qui a quelques mois maintenant, quand même. C'était un extrait du dernier album de Los Lobos. Et oui, Los Lobos, La Bamba, tout ça. Alors, il y a un petit peu marre, Los Lobos, qu'on ne parle de que de La Bamba. Mais voilà, c'est ce qui les a rendus célèbres. Mais Los Lobos sont un peu capables de tout faire, du rock le plus teigneux à des reprises assez chaloupées, comme cette reprise de Barrett Strong à l'instant, titre des années 60, je crois, Misery. Voilà, le dernier album de Los Lobos est entièrement composé de reprises. Et franchement, ils le font plutôt pas mal. Shannon and the Clamps, c'est un morceau original, juste avant, avec Mary Don't Go. Bon, vous allez me dire, tout ça n'est pas très très rentre-dedans, pas très rock'n'roll. On va essayer d'élever un peu le ton avec une nouveauté dans The Rock. Ça s'appelle Feels, et le morceau Feels, ça s'écrit F-2-E-L-R-S, Feels, et le morceau c'est Blueberry Pancakes. Anyway, maybe tomorrow. grands groupes du monde de rock d'avant, du monde d'avant et du monde maintenant. On ne sait plus comment on dit. C'était les Sokoï Fever à l'instant avec Hey Man, tiré de leur dernier album live qui sort, qui vient de sortir, qui va sortir, je ne sais plus. En tout cas, un album live des Sokoï Fever, c'est toujours une bonne nouvelle. Et juste avant, c'était Frizz avec Blueberry Pancakes. Voilà un groupe qui revient. Ce sont des revenants. Ils s'étaient formés en 1988, avaient eu un beau succès au début des années 90, puis s'étaient séparés en 1999. Eh bien, ils reviennent. Et franchement, je les avais un peu oubliés. En tout cas, je n'espérais plus une reformation. Il s'appelle The Beau Radleys, groupe anglais, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui reviennent avec un single bien sympathique, I've Had Enough, I'm Out. Et I'm Out, mais ils reviennent. Enfin, c'est un petit peu contradictoire. The Beau Radleys, donc, dans The Rock, c'est une nouveauté. d'abord eu les Bo Radleys dans The Rocks avec leur nouveau morceau 20 ans après leur séparation, I've Had Enough, I'm Out. Voilà, c'était les Bo Radleys sans Martin Carr. Martin Carr, le guitariste des Bo Radleys, qui ne figure pas sur ce nouveau line-up. Ça lui fait un peu bizarre d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Et puis à l'instant, c'était un extrait du prochain album des Band of Horses. Vous avez peut-être reconnu cette voix qui parfois, je me souviens de The Funeral, le morceau qui les avait révélé. C'était assez atmosphérique, assez pesant. Bien là, c'est l'extrême inverse, c'est de la pop lumineuse, et c'est extrait d'un album qui paraîtra le 21 janvier prochain. Ça s'appelle Crutch. C'est le morceau, donc voilà, le nouveau morceau des Band of Horses. Allez, encore une nouveauté dans The Rocks. Ça s'appelle Fruit Bats. On s'est déjà passé pas mal de morceaux de ce groupe, et le morceau c'est Rips Me Up, et ça aussi c'est une nouveauté. Beautiful. heart's calling and I hear it like an echo. On and on it goes. You give me life, beautiful life. Encore une merveille dans The Rock, c'était le dernier morceau de Michael Kiwanuka, Beautiful Life, morceau qu'il a composé pour un documentaire pour Netflix, je crois, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, c'est un morceau absolument magnifique de Michael Kiwanuka, et juste avant, c'était Fruit Bats avec Rips Me Up. C'est bientôt la fin d'On The Rocks. Je vais vous laisser avec un dernier morceau. Je vous abandonne pour 15 jours. Je vous retrouve dans 3 semaines dans On The Rocks. Pas d'émission pour les 15 jours à venir. Je vous rappelle que le salon du disque et de la BD aura lieu à Orléans, au Chapiteau. Ce sera le 24 octobre 2021. Et puis notez-le sur vos tablettes. À Tours, le 30 mars prochain, il y aura un concert. Et pas n'importe quel concert, puisque ce sera Joe Jackson sur scène. Et le légendaire Joe Jackson ne passe pas souvent par chez nous. La dernière fois, c'était à Tours, d'ailleurs, au Vinci. Eh bien, courez-y, et pour vous donner une petite idée de qui peut être Joe Jackson et de ce qu'il peut jouer, voici un petit morceau live enregistré, alors je sais, il y a un petit moment maintenant, c'était en 2002, mais en tout cas, il y a toujours cette voix et toujours cette patate, parfois, et puis parfois c'est plus atmosphérique, il est totalement incontrôlable et imprévisible, ce Joe Jackson. En tout cas, il revient sur scène et ce sera un grand, grand moment. Voici donc I'm the Man, et On The Rock, c'est fini pour ce soir. Bonne nuit, bye bye, et à dans 3 semaines. Another version of reason, which uses a surefire smash.